Chapitre 38e. Le cabinet dans lequel Adolphe avait été introduit était sombre. La porte refermée, l'obscurité se fit. Adolphe resta un moment immobile pour prendre jour, et peu à peu ses yeux distinguèrent confusément les objets qui l'entouraient. Des tabourets, une table, un tapis en sparterie recouvrait le carreau. Il put marcher sans faire de bruit et se diriger vers la portière en tapisserie qu'il apercevait devant lui. Jamais il n'avait éprouvé une si poignante émotion. L'angoisse et la honte l'étouffaient. Et quoi ? C'était lui qui se cachait ainsi pour espionner lâchement une femme, sa femme, Juliette. Cependant, il continua d'avancer doucement, poussé, porté par les paroles de sa mère. Il ne pouvait plus maintenant revenir en arrière. Il devait aller jusqu'au bout. Malgré lui, d'ailleurs, certains souvenirs s'imposaient à son esprit pour ébranler sa foi, naguère si robuste. Le doute, comme ces oiseaux de proie qui décrivent au-dessus de leurs victimes des cercles concentriques de plus en plus resserrés, planait et pesait sur lui. Il sentait qu'il ne pouvait plus lui échapper. Il fallait donc voir et savoir. Il touchait la portière. Il colla son oreille contre la tapisserie. Un murmure de voix lui arriva, faible et confus. Il l'écouta, mais les bouillonnements de son cœur l'empêchaient d'entendre. Il fit effort pour ne plus respirer. Juliette, c'était elle. Il leva la main pour écarter la tapisserie et se précipiter dans l'atelier, mais à ce moment, le murmure des voix qui venait de l'autre bout de l'atelier lui arriva plus distinct. Il entendit de manière à comprendre les paroles de Juliette. « J'avoue, disait-elle, que j'aurais préféré une autre pause. »« En quoi celle-ci est-elle mauvaise ? » répliqua la voix d'Hérol. « Ce n'est pas un portrait ordinaire. » Un portrait ! Quel coup de joie pour lui ! Un portrait ! C'était pour faire son portrait par Hérol qu'elle était venue dans cet atelier. Ainsi s'expliquaient tout naturellement les visites à Passy et le mystère dont elle les entourait. Elle voulait que ce fût un secret, une surprise pour lui sans doute. Et il avait pu la soupçonner, l'espionner. Comment se ferait-il jamais pardonner ? Il lui confesserait tout. Elle verrait bien que c'était malgré lui qu'il avait de guerre lasse subi ses doutes. Les voix reprirent. « Ce que je veux dire, continua Juliette, c'est que ce portrait sera trop intime et par là il deviendra plus tard dangereux. On ne détruit pas une toile qui est signée Francis Hérol. Un jour, quand nous ne serons plus ni l'un ni l'autre, des yeux étrangers verront ce tableau. On cherchera à savoir quelle femme il représente. Les critiques et les commentateurs arriveront. Il ne sera pas bien difficile de trouver, et alors tout le monde saura que ce portrait est celui d'une femme qui était aimée par Francis Hérol. » Depuis quelques instants, Adolphe écoutait avec une horrible angoisse ces paroles, qui de mot en mot devenaient si transparentes. Était-il sous l'influence d'une épouvantable hallucination ? Il poussa la tapisserie qui s'écarta sans bruit. Devant lui, à l'extrémité de l'atelier, se tenait Juliette, debout devant un chevalet et tournant le dos au cabinet. Elle était vêtue d'un long peignoir en cachemire blanc. Ses cheveux pendaient sur ses épaules. Derrière elle, à trois ou quatre pas, Hérol, accoudé sur le dossier d'un fauteuil, la regardait. « La pause, dit-elle en continuant, ne précisera que trop les liens qui nous unissent. Et tu ne veux pas qu'on les connaisse, ces liens. Tu as peur même de la postérité. Tu... » Adolphe fit un pas en avant. « Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, dit Juliette. C'est pour mon fils, c'est pour mon mari. » Hérol quitta son fauteuil et s'approchant de Juliette. « Je t'en supplie, dit-il, ne parle jamais de ton mari, ne prononce jamais son nom. Écarte jusqu'à son souvenir. Ici, ton mari, c'est moi, c'est celui qui t'aime, celui qui te tient dans ses bras, chère Juliette, chère femme. » Il était venu jusque près d'elle et il ouvrait les bras lorsqu'Adolphe s'élança dans l'atelier. Au bruit de ses pas, tous deux en même temps se retournèrent. Hérol fit un bond au-devant d'Adolphe, mais celui-ci étendit la main, une explosion éclata, et Hérol, arrêté brusquement, resta un moment chancelant, les bras ouverts. Puis tout à coup, il tomba en avant sur le tapis, tout d'une pièce, comme un arbre qui s'abat. Adolphe était resté enveloppé dans un nuage de fumée, son revolver à la main, éperdu, fou. Quand la fumée s'éclaircit, il vit sa femme qui s'était jetée sur Hérol. Elle s'efforçait de le relever. Elle lui avait passé les deux bras autour du cou et elle soulevait sa tête ballante. « Francis, Francis, réponds-moi, regarde-moi, Francis !» Penchée sur elle, elle l'avait à demi retourné. « Francis, c'est moi, moi, Juliette, je t'aime, entends-moi !» Elle le serrait dans ses bras. Mais ses efforts étaient vains, il restait inerte. Dans un mouvement désespéré, elle le souleva entièrement, et approchant son visage de cette tête décolorée, elle colla ses lèvres sur ses lèvres, comme pour lui souffler la vie. Une seconde explosion ébranla les vitres de l'atelier, et Juliette, lâchant le cadavre d'Errol, roula sur le tapis à côté de lui. Elle avait été tombée à quelques pas d'Errol. Sans se lever, et en se traînant sur le tapis, elle franchit ce petit espace, puis, se laissant aller, elle posa sa tête contre celle d'Errol, et elle attacha ses yeux sur lui. Adolphe était resté immobile, le bras tendu. Il jeta loin de lui son revolver et se précipita sur sa femme en l'appelant d'une voix affolée. Mais sans se tourner les yeux de son côté, elle le repoussa faiblement, de sa main restée libre. Et d'une voix voilée, elle répéta à plusieurs reprises « Francis, Francis, mourir ensemble ». Penchée sur elle, Adolphe voulait l'emporter. Elle poussa un cri de douleur. « Vous me faites mal !»« mon Dieu !» répétait Adolphe en se tordant les mains. Mais elle ne prêtait pas plus attention à lui que s'il n'avait pas été là. D'une main, elle tenait la main d'Errol et elle restait, les yeux fixés sur lui. L'expression de son regard n'avait rien de douloureux. Il avait quelque chose d'extatique au contraire. « Juliette, Juliette !» répétait Adolphe. « Ah, laissez-moi » dit-elle. « Juliette, pardonne-moi » Il se jeta à genoux. « Oui, si vous le voulez. » Elle dit ces quelques mots machinalement, sans quitter Errol des yeux. Un grand bruit retentit dans le cabinet par lequel Adolphe avait passé, et le gardien, suivi d'un domestique, se précipita dans l'atelier. Son premier mouvement fut de se jeter sur le revolver qu'il aperçut sur le tapis. Il le ramassa vivement et le braquant sur Adolphe. « Qu'avez-vous fait ? » s'écria-t-il. « Ne bougez pas où je tire. Dans une maison paisible, quel crime ! » « Un médecin !» cria Adolphe désespérément. « Un médecin, vite !»« Les sergents de ville !» dit le gardien en se tournant vers son domestique. « Et après, le médecin, moi je veille sur l'assassin !» Et se posant devant la porte, il resta le revolver braqué sur Adolphe. Mais celui-ci ne voyait rien. Penché sur sa femme, il s'efforçait, avec le peignoir tamponné, d'arrêter le sang qui, chaud et bouillonnant, lui coulait entre les doigts. La blessure était au flanc droit. Il eût voulu mettre un coussin sous la tête de sa femme, mais il n'osait retirer ses mains de dessus la plaie qu'il comprimait. « Donnez-moi un coussin, » dit-il au gardien. « Ne bougez pas, » dit celui-ci, « ou je vous fusille. » Les sergents de ville arrivèrent et se jetèrent sur Adolphe, qu'ils prirent chacun par un bras. Ils le forcèrent ainsi à se relever. « Tenez-le bien, » cria le gardien. « C'est un misérable. » Il m'avait promis d'être calme, et il a assassiné ces malheureux. Quel crime, mon Dieu, quel crime ! Pendant cette apostrophe, Adolphe avait pu tant bien que mal expliquer aux agents de police qu'il ne fallait pas laisser le sang s'écouler, et qu'il fallait au contraire fermer la blessure. « Donnez-moi ce revolver, » dit un des sergents de ville au gardien, « et au lieu de faire l'important, occupez-vous plutôt à tenir le peignoir sur cette blessure. Mes mains dans le sang d'une innocente, jamais !» À ce moment, un personnage cravaté de blanc entra dans l'atelier. C'était un médecin. « Ah, monsieur !» s'écria Adolphe en tendant la tête vers lui, car il était tenu par les deux bras. « Sauvez-la, ma fortune est à vous !» Mais le médecin ne l'écoutait pas. Agenouillé déjà près des deux corps, il les examinait. Ayant mis la main sur le cœur d'Errol, il secoua la tête et se retourna vers Juliette. « Il faudrait qu'on me laissât seul, » dit-il. Les sergents de ville voulurent entraîner Adolphe, mais celui-ci, par un mouvement irrésistible, les amena avec lui près du médecin. « Ah, monsieur, » s'écria-t-il, « par grâce, dites-moi la vérité, cette blessure !» Sans relever la tête, le médecin continua son examen. « Je ne sais pas, » dit-il enfin, « la blessure est grave. » Jusque-là, Juliette était restée immobile, les yeux fixés sur Errol, les lèvres closes. Elle leva faiblement la main pour appeler son mari. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, que mon fils ne me voit pas. » Sa voix était à peine perceptible. « Qu'on sorte, » dit le médecin, « qu'on m'envoie une femme et qu'on veille à cette porte. » Les agents entraînèrent Adolphe, qui était incapable de se soutenir. Ils le portaient plutôt qu'ils ne le conduisaient. Un rassemblement s'était formé à la porte, contenu à grand-peine par d'autres sergents de ville. Quand on le vit paraître, couvert de sang, les mains rouges jusqu'aux poignets, un cri d'horreur s'échappa de toutes les poitrines, des bras menaçants se tendirent vers lui. On le fit monter dans une voiture de place, et deux agents se plaçant sur le siège vis-à-vis de lui, lui tinrent chacun un bras. On le conduisit au bureau du commissaire de police, où déjà la rumeur publique avait annoncé son arrivée. Le commissaire voulut l'interroger, mais il n'en put rien tirer. C'était une masse inerte qu'il avait devant lui. Toutes les questions restèrent sans réponse. Une seule fois, il parut se ranimer et vivre, ce fut pour demander de l'eau. En se lavant les mains, il éclata en sanglots. Si on ne l'avait pas soutenu, il serait tombé à la renverse. On le fit remonter en voiture et on le conduisit au dépôt.